Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Peu de déesses de la mythologie romaine se sont fait si souvent lécher le dos que Cérès. Cérès, déesse de l'agriculture, des moissons, mais aussi de la fertilité. Cérès, mais oui, qui est représentée sur les timbres. Les premiers timbres émis en France, c'était en 1849. Et puis, pendant des décennies, Cérès a été sur nos timbres. D'ailleurs, le timbre le plus recherché des collectionneurs, le 1 franc vermillon, représente Cérès. Cérès, la romaine, a son équivalent dans la mythologie grecque, c'est Déméter. Déméter a eu une fille avec Zeus. Perséphone, mais Perséphone a été enlevée par Hadès pour devenir la reine des enfers. Dès lors, Déméter erre. Déguisée en vieille femme, elle recherche sa fille. Arrivée dans un village, elle est très bien accueillie. Alors, pour remercier ses villageois, elle leur délivre un secret, celui de l'agriculture. Ce serait ainsi que l'agriculture est arrivée aux hommes, selon la mythologie grecque, mais mieux que Déméter. Les archéologues fouillent la terre à la recherche de la première graine. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, il faut nourrir le peuple. Que la population mange à sa faim est une nécessité pour le pouvoir. Alors le pouvoir sous toutes ses formes, qu'il soit royal ou même républicain, qu'il soit municipal ou national, de la première graine aux revendications paysannes, de la culture céréalière à l'élevage bovin. Oui, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la bidoche. Nous allons discuter de l'agriculture toute la semaine à l'occasion du Salon de l'agriculture, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, c'est le podcast. Et puis vous pouvez en parler sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire. Et aujourd'hui, nous partons à la recherche de la première graine qui fut plantée, la première bestiole qui fut domestiquée, avec vous, Marie-Pierre Aurard-Herbin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en archéologie à l'université François Rabelais de Tours. Vous êtes spécialiste d'archéozoologie. Vous êtes spécialiste des ossements d'animaux. Vous avez même une belle collection. Oui, j'ai une ostéothèque de 300 squelettes qui sert de référentiel pour déterminer les ossements archéologiques que l'on retrouve dans les contextes de fouilles. Et votre période est celle des Gaulois? Oui, tout à fait. Donc dans le deuxième, premier siècle avant Jésus-Christ principalement. Avec donc plein de problématiques liées à l'élevage et aux animaux domestiques qui sont utilisés au quotidien. Marie-Pierre Aurard-Herbin, des sangliers, beaucoup chez les Gaulois? Très peu. C'est un mythe qui s'effondre. Dommage. Oui, non, ce sont vraiment les cochons qui sont privilégiés sous toutes leurs formes, dans la consommation carnée, dans des fabrications de charcuterie, dans des méthodes d'élevage perfectionnées. Pour parler ce matin de l'origine de l'agriculture, Caroline Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en archéologie préhistorique. Alors vous étudiez particulièrement les premières sociétés agro-pastorales au CNRS, hein ? C'est ça, alors plutôt les premières sociétés d'Europe et du Caucase, en l'occurrence du 6e millénaire avant notre ère, donc la période néolithique, la fameuse période néolithique. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre tout ce que l'agriculture a engendré chez ces sociétés, à la fois dans leur structure, dans leur fonctionnement, dans leur mode de vie. Donc c'est un petit peu l'objectif de mes travaux. Médaille de bronze du CNRS, bravo Caroline Hamon. Et puis c'est vraiment le cœur de la problématique qui nous intéresse dans le cours de l'histoire cette semaine, c'est comment l'agriculture transforme les sociétés. Et pour en parler avec nous également, Margareta Tenberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en archéobotanique de l'Asie du Sud-Ouest et vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. L'Asie du Sud-Ouest, des spécificités de cette région? Alors l'Asie du Sud-Ouest, alors c'est une vaste aire géographique, mais dans cette Asie du Sud-Ouest, on distingue ce qu'on appelle souvent le croissant fertile. Et donc c'est la région au Proche-Orient où on considère que l'agriculture est née pour la première fois. Mais on peut parler de la naissance des agricultures parce que ce n'est qu'une région parmi d'autres où il y a l'agriculture. C'est quelque chose qui nous fascine, hein, cette naissance de l'agriculture, et j'évoquais les échos mythologiques de cette naissance, les hommes, hommes, les femmes ont cherché à comprendre comment d'un coup l'on s'est mis à planter du blé, à planter de l'orge et puis à élever des animaux. Mais pour le moment, je vous propose de faire un détour par un documentaire de 1977 sur la troisième chaîne de la télévision française, une émission intitulée La Révolution néolithique. Oui, le néolithique met en œuvre des pratiques agricoles valables jusqu'aux sociétés industrielles. Les fouilles archéologiques l'indiquent clairement. Le néolithique a mis en œuvre pour la première fois des pratiques agricoles qui resteront valables jusqu'à l'ère industrielle. Il a fallu choisir les terrains favorables, les espèces de céréales adaptées aux conditions climatiques. Il a fallu observer les rythmes naturels et les saisons. En un mot, il a fallu vivre avec la terre. Des outils nouveaux sont apparus. Bâtons à fouir, faucilles à lame de silex, meules à grains. Les travaux des champs, la surveillance des troupeaux, nécessitaient bien la recherche d'habitats de longue durée. C'est ainsi que les premiers villages sont apparus au Moyen-Orient il y a 10 000 ans et chez nous, en Provence, il y a plus de 7 000 ans. La répartition du travail suivant les sexes est sans doute aussi une invention du néolithique. Il s'est passé beaucoup de choses au néolithique. Caroline Amon, c'est un reportage de 1977. Depuis, la science a évolué. Ce qui est dit là est globalement valable encore aujourd'hui? L'évolution est globalement valable, c'est sûr. L'agriculture, l'élevage des animaux, la culture des plantes s'accompagnent aussi de changements technologiques importants. C'est ce qui est dit aussi, notamment sur les outils. Donc ça, c'est aussi une des clés d'entrée qu'on a pour essayer de comprendre ces sociétés. Malgré tout, la vision un peu bucolique là, qui est donnée dans le reportage, elle est un petit peu plus nuancée. Et surtout, on s'aperçoit que c'est un phénomène très complexe, très très très compliqué. On voit que les sociétés se sont adaptées à différents systèmes écologiques, à différentes contraintes aussi. Et puis qu'ils ont aussi beaucoup bougé. C'est des sociétés qui sont très mobiles et qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour introduire parfois l'agriculture en dehors de, justement des foyers de néolithisation et de genèse de l'agriculture elle-même. Nous parlons de néolithique, c'est vrai que la période est couverte par un mot. Dans néolithique, il y a du néo qui est du nouveau, il y a du lithique qui est de la pierre, et pourtant nous parlons d'agriculture. Ce terme de néolithique, pourquoi cette pierre nouvelle? Parce qu'on focalise sur la pierre, parce que c'est ce qui reste quand on fouille en fait, ou en tout cas pendant longtemps, c'est ce qu'on trouvait quand on fouillait, Caroline Amon. Néolithique, parce que la pierre, c'est un des premiers supports sur lesquels on va créer tous les outils. Hein. Les chasseurs-cueilleurs antérieurs utilisaient les outils, de même que l'os d'ailleurs, c'est aussi un support pour créer des outils. La différence, c'est qu'on va générer un certain nombre d'instruments beaucoup plus adaptés, aussi bien à l'alimentation. Là, il parlait des meules dans le documentaire, c'est exactement ça. Sur les sites des premiers agriculteurs, on retrouve énormément de meules, parce que tous les jours, il faut transformer le grain que l'on plante et que l'on cultive. Et puis, néolithique, c'est exactement ça, c'est la nouvelle pierre, avec aussi d'autres inventions, la céramique pour le stockage des grains, la pierre polie pour notamment tailler les arbres et défricher, pour installer les champs en particulier. Donc ça, c'est les inventions technologiques de ces périodes. Si nous cherchons à savoir à quel moment l'homme s'est mis à cultiver, à planter, est-ce que aujourd'hui les chercheurs arrivent à trouver une période et surtout à quel moment et en quel lieu? Alors est-ce que vous avez une réponse, vous, Margaret Attenberg? Oui, alors l'agriculture est à la fois un phénomène ancien pour nous, ça nous paraît lointain. Les tout premiers agriculteurs apparaissent environ il y a 12 000 ans à peu près. Mais si on considère l'histoire de l'humanité, c'est en fait un phénomène très très récent. Et par exemple, si on considère qu'une génération humaine fait 30 ans à peu près, on est seulement à 400 générations des premiers agriculteurs au monde, c'est-à-dire au Proche-Orient. Et si on considère l'homme moderne, c'est-à-dire Homo sapiens, notre espèce, il y a 300 000 années, on est à 10 000 générations. Donc en fait, entre les 400 dernières générations et 10 000 générations de l'Homo sapiens, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire humaine. Et la culture des végétaux correspond à la domestication des animaux? Est-ce qu'on a quelque chose qui est concomitant? C'est un mouvement parallèle? Oui, tout à fait. Et en fait, ça dépend un peu des zones géographiques, parce qu'on a cette naissance d'agriculture dans différents, sur les, tous les continents, de façon tout à fait indépendante. Donc, c'est un phénomène global. Et dans certaines, ce qu'on peut appeler les foyers agricoles, on a l'association d'animaux et des plantes dès le début, avec l'exploitation de ces espèces. Et dans d'autres, non. Donc, ça dépend. Au Proche-Orient, on a animaux et plantes qui sont domestiquées à peu près en même temps, comme en Chine. Et on n'a pas le même phénomène, par exemple, en Afrique ou en Amérique moyenne. Donc l'agriculteur est inventé à quel endroit, en fait ? On évoque souvent le croissant fertile, donc nous sommes au Moyen-Orient, hein, globalement. C'est toujours valable, hein, cette idée que c'est au Moyen-Orient. Mais j'imagine que vous, Margaretha Tenberg, vous allez dire qu'en Asie du Sud-Est, il se passe des choses aussi. En gros, est-ce qu'il y a un foyer ou est-ce que c'est un phénomène qui se développe à plusieurs endroits du monde ? Qui veut répondre, Margaretha? Oui, en fait, c'est un phénomène multiple, complètement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des foyers en Asie, en Chine, par exemple, en Afrique, au croissant fertile, en Amérique moyenne, dans les Andes, et aussi des foyers un peu différents dans les zones tropicales, etc. Donc, l'agriculture est une invention, entre guillemets, globale et de façon complètement indépendante. Donc, l'homme, à différents endroits de la planète, pas toujours au même moment, parce que tout ça se passe au cours de l'Holocène, les 10 000 dernières années, mais de façon différente, invente l'agriculture et l'élevage. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui conduit les êtres humains ? Et ça, c'est très difficile à répondre parce que le comment, nous pouvons l'imaginer. Vous avez évoqué, Caroline Hamon, ce que l'on retrouvait, des outils, des meules. Mais pourquoi les êtres humains ont eu besoin à un moment de cultiver ? Pression démographique ou alors des savoirs qui se transmettent de l'un à l'autre ? En fait, on ne va pas avoir de réponse toute faite parce que c'est des recherches en cours et qui sont toujours discutées. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'on a de rentrer en jeu. Les changements éventuellement climatiques, la pression démographique, effectivement, qui joue, qui a été avancée. D'autres chercheurs avancent que ce soit d'abord une révolution, en fait, sociale, voire même idéologique, avant d'être une révolution, enfin, ce qu'on appelle une révolution technique et surtout en lien avec l'exploitation du milieu naturel. Donc c'est un phénomène certainement très complexe qui explique aussi les différents scénarios qu'on peut observer d'un continent à l'autre. Parce qu'en fait, il n'y a pas une raison, il y a des raisons. Et un mélange de facteurs très, très convergents qui, en fait, créent les conditions pour justement cette naissance de l'agriculture et les transformations sociales qui vont derrière, qui sont assez importantes. Et l'archéologue a besoin de creuser pour essayer de comprendre. L'outil est une évidence. Mais encore, je ne sais pas si toujours l'on arrive à savoir à quoi sert tel ou tel outil. Vous, Marie-Pierre Aurard-Herbin, archéozoologiste, géologue. Archéozoologue, oui. Oui, archéozoologue, hein, bien sûr. Que dit la Terre quand vous fouillez, quand vous cherchez au-delà de l'outil lui-même? Comment vous arrivez à percevoir les cultures qui étaient pratiquées dans un espace? Alors moi, mon matériau de prédilection, ce sont les ossements animaux qui sont assez privilégiés puisqu'on est, ils se conservent globalement assez bien dans les sédiments. Donc on a une documentation à travers toute l'histoire sur les animaux qui sont utilisés en particulier pour l'alimentation carnée. Animaux sauvages, animaux domestiques, et c'est une très longue histoire hein, puisque par rapport au petit documentaire qu'on entendait tout à l'heure, il y a des apports de la génétique entre autres qui ont permis de comprendre comment s'était développé l'élevage sur notre territoire en particulier, puisque moi, les Gaulois, je suis beaucoup plus territoriale dans mon approche de recherche, et qui ont pu montrer que c'est à partir du Proche-Orient qu'on a des groupes humains qui sont venus avec les troupeaux jusqu'en France, avec des déclinaisons différentes selon les espèces. Donc il y a des pour le troupeau de base qui nourrit l'humanité aujourd'hui, c'est-à-dire le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, et qui se sont ensuite développés sur notre territoire. Oui, c'est une chose qui est absolument fascinante, hein, de se dire que les animaux que nous consommons aujourd'hui ne sont pas des animaux purement issus de nos régions. Ils ont été apportés, nous avions des loups, donc des chiens, il y avait des lapins, mais la plupart des animaux ont voyagé pour venir jusqu'à nous. Tout à fait, c'est un long voyage. Donc, par exemple, pour les bovins ont été domestiqués à partir de l'aurochs du Proche-Orient, qui a été amené sur notre territoire, qui ensuite a donné, de façon évidemment, un long patrimoine qui s'est élaboré, toutes les races bovines que nous avons actuellement. Pour d'autres espèces, par exemple le sanglier, qui a été domestiqué aussi au Proche-Orient, qui a été amené sur notre territoire, mais les souches proche-orientales se sont éteintes, et il y a une nouvelle domestication du sanglier qui donne des porcs qui vont être plus des porcs européens qui vont se développer sur notre... Chez nous. Chez nous. D'ailleurs, Marie-Pierre Aurard-Herbin, je vous propose de faire un petit clin d'œil à nos amis les sangliers à partir d'une émission des Animaux et des Hommes sur Antenne 2. C'était en mai 1979 et Perret Le Gras qui réalise l'émission Le Cours de l'Histoire avec aujourd'hui à la technique Sylvain Latu. Perret s'est emparé de cette émission pour s'amuser de cette émission, mais aussi des sangliers. Que le combat sanglier singulier commence. Ce sont des vadrouilleurs terribles, infatigables. Ce sont des nocturnes qui peuvent faire entre 50, 60, 70 km, quelquefois plus dans une nuit. Et puis ce sont des animaux, lorsqu'ils sont justement traqués, et traqués inconsidérément, qui peuvent tout à coup arriver à la côte, et puis nager sur 1, 2 km, voire davantage, se retrouver dans une île. Dès 1932, ils ont colonisé comme cela l'île de Léron. Caligula Minix, le repas est prêt. Il y a du sanglier. Du sanglier. Chez les Gaulois, alors le sanglier jouait un rôle important. Chez les Gaulois, il jouait un grand rôle. C'était presque l'étendard. La hure de sanglier était portée comme le drapeau, parce qu'il symbolisait le courage, la ténacité. Nos amis les sangliers, à partir d'une émission de 1979, un petit peu remixée par Perret Le Gras, Marie-Pierre Aurard-Herbin. Ces sangliers, c'est vrai, nous fascinent parce que nous avons tous lu Astérix et nous voyons énormément de sangliers. Dans vos études, vous montrez que les animaux qui étaient élevés par nos ancêtres étaient beaucoup plus gros qu'aujourd'hui. Alors ça, c'est vraiment étonnant. La vache gauloise était beaucoup plus petite que l'aurochs. J'ai dit beaucoup plus gros. Non, un aurochs, c'est gigantesque. Une vache gauloise, c'est tout petit. Les vaches que nous avons dans nos champs aujourd'hui sont plus grosses parce qu'il y a eu la sélection animale très 18e, 19e siècle. Oui. Mais les animaux gaulois étaient vraiment tout petits. Oui, ce sont les plus petits animaux de l'histoire. Ils faisaient pour les bovins, c'est à peu près 1 mètre au garrot. Mais tout le troupeau est petit. On a des tout petits cochons. On a des tout petits moutons, on a des petits coqs, des petits bovins. Et il y a une fluctuation de la taille, entre autres des bovins, au cours de l'histoire, qui est probablement corrélée avec des mouvements politiques, entre autres dans le monde romain, dans l'Empire romain. On a des grands animaux qui sont sélectionnés, alors qu'au début de la période gauloise, on a des tout petits animaux. Et puis petit à petit, on a des phénomènes dans chaque terroir, de modifications morphologiques des différentes espèces qui s'adaptent et qui sont adaptées à la fois à des terroirs et à la fois à des productions particulières, probablement déjà la viande, le lait, le trait, et qui s'accompagnent aussi de pratiques comme des castrations pour pouvoir utiliser un certain nombre de services offerts par les animaux. Mais comment expliquer que des animaux grands à l'état sauvage, une fois domestiqués, rapetissent? Alors on est sur des temps très très longs là-dessus. Mais comment la domestication des animaux explique le fait qu'ils deviennent plus petits? Alors c'est tout simplement que la domestication, ça implique un isolement de l'animal, un isolement physique par rapport à ses congénères, un isolement par rapport à son alimentation, puisque c'est l'homme qui lui donne une alimentation choisie. Un isolement aussi par rapport éventuellement aux microbes ou aux virus, puisqu'on va les soigner, on va les protéger. Et ces phénomènes de confinement vont provoquer, entre autres, une réduction de la taille. Mais le même phénomène s'observe chez des animaux sauvages. Quand on réduit la taille d'une forêt, on va avoir une réduction de taille. Ou sur les îles de Méditerranée, on avait des tout petits éléphants, par exemple, qui sont tout simplement liés à l'isolat. Sur les îles, en l'occurrence. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons à cette période fascinante qu'est le néolithique. Le mot révolution néolithique apparaît encore régulièrement, mais en quelque sens, nous sentons que la mise en place de l'agriculture et de l'élevage a changé complètement la vie des hommes, des femmes. Oui, c'est en cela que nous aimons nous plonger dans l'âge de pierre. C'est ici que vivent nos ancêtres, les premiers hommes. Bien, on va faire l'appel. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Présente. Ah. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Caroline Hamon, la période néolithique est présentée comme un bouleversement dans l'histoire de l'humanité, comme une révolution néolithique. La notion de révolution implique un temps en cours souvent, alors que ce qui se passe avec l'agriculture, les céréales, l'élevage, s'étend sur un temps long. Est-ce que la notion de révolution néolithique est quelque chose qui est toujours pertinent ? Hésitation. Hésitation. C'est pertinent, enfin, en fait c'est pas une révolution au sens d'un coup, il y a un phénomène comme ça où les populations vont d'un coup se mettre à tout changer de manière complètement consciente, volontaire pour le faire. C'est un changement qui est effectivement très court sur le temps à l'échelle humaine, comme le disait Margaret Attenberg tout à l'heure. Mais c'est quand même quelque chose qui finalement... C'est une question compliquée. C'est une question compliquée, mais c'est intéressant de voir que cela porte débat, une réflexion autour de cette période qui nous a longtemps été présentée comme un bouleversement d'un coup. Margaret Attenberg. Oui, je suis d'accord avec Caroline Hamon. C'est quelque chose qui se passe pas immédiatement et on voit la naissance de l'agriculture, par exemple, au Proche-Orient, ça prend plusieurs millénaires. Donc c'est long, c'est pas bouleversant comme on peut l'entendre en utilisant le mot révolution néolithique, mais il faut dire que les conséquences peuvent être considérées comme révolutionnaires parce qu'il y a des très grandes conséquences à long terme et on est toujours dans les suites de la néolithisation. Et si on adopte une vision pessimiste, on peut parler du début de la fin. Moi, je ne sais pas de cela, mais c'est notre mode de vie actuel prend racine beaucoup dans cette transformation très profonde de la société, de son organisation et notamment dans sa relation à l'environnement. Pour comprendre cette révolution, pour utiliser le mot facile, pour comprendre le changement de relation avec l'environnement, il faut évoquer la société d'auparavant, ce qui se passait avant qu'il y ait des agriculteurs. Nous étions avec des mondes de chasseurs-cueilleurs, c'est bien cela, Caroline Hamon ? Oui, c'était des chasseurs-cueilleurs donc, qui se déplaçaient énormément, donc avec des cycles et des territoires très mobiles. Surtout des chasseurs-cueilleurs qui exploitaient alors au paléolithique, donc les périodes vraiment anciennes, là, des grands territoires. Et puis, pour les périodes juste avant le néolithique, c'est là où, effectivement, le côté révolution peut être discuté. C'est que ce qu'on appelle la période mésolithique, là, on va voir que les populations vont quand même se concentrer de plus en plus sur des territoires de plus en plus restreints. On voit un changement complet dans l'exploitation des matières végétales qui explosent à cette période-là, pour cause de réchauffement du climat. Et on voit vraiment qu'avant l'agriculture, il se passe déjà des choses, en fait, dans ces sociétés, des territoires plus restreints. Ils ont tendance à s'ancrer un peu plus dans les territoires sur lesquels ils vivent et qui parcourent à la recherche de gibier et aussi de collecte végétale. Donc, c'est un processus assez long. Oui, on voit dans le même sens d'idée, on voit au Proche-Orient, à la fin du Paléolithique, donc la période de la préhistoire qui précède le Néolithique, on voit que les populations deviennent sédentaires. Et ça, cela bien avant la naissance de l'agriculture. Donc, dans certaines régions, on a une sédentarisation avant l'agriculture. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais les gens vivent dans des villages déjà. Des chasseurs-cueilleurs vivent dans des villages et c'est un milieu plutôt riche en ressources qui permettent de s'y fixer et d'utiliser le territoire. Donc on a ce phénomène dans différents contextes au début de l'Holocène. Et nous voyons bien des chasseurs-cueilleurs qui pratiquent, alors je ne sais pas si le mot est juste, mais une agriculture de forêt, par exemple, en privilégiant certaines espèces, en débroussaillant pour permettre à un arbre qui produit des fruits de pousser beaucoup plus facilement. Nous ne sommes pas encore dans l'agriculture ici, nous sommes dans des premiers gestes d'agriculture, mais nous n'y sommes pas encore. Qu'est-ce qui fait que l'on fait vraiment de l'agriculture ? À quel moment on est vraiment agriculteur ? Margaret Attenberg. Alors, c'est une question assez difficile parce qu'on a une vision de l'agriculture, la domestication, etc., assez binaire dans, dans notre aperçu scientifique, biologique, etc. Et en fait, on se rend compte, quand on voit aussi des sociétés traditionnelles et aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs vivant encore actuellement, que c'est tout un continuum, c'est assez complexe et flou. Et on sait, quand on étudie les populations paléolithiques, et chasseurs-cueilleurs, et aussi des chasseurs-cueilleurs encore actuellement, qu'il y a toute une gestion des ressources animales et végétales. Il y a déjà une influence sur, sur ces espèces, où on reproduise des plantes, on brûle la forêt pour privilégier certaines espèces, on gère les populations animales en chassant certains groupes d'âge, etc. Donc il y a toute une gestion de ces ressources, bien avant l'agriculture et l'élevage. Et puis, pour l'archéologue, ce qui marque l'agriculture, ce sont les traces laissées par ces gestes, par ces agriculteurs. Nous allons faire un petit tour à l'heure de culture française. C'est le titre de l'émission diffusée à la radiodiffusion française le 12 octobre 1960. Nombre de documents archéologiques témoignent aussi de cette occupation agricole. Les meules avec leurs broyeurs sont fréquentes. L'utilisation de véritables faucilles est significative. Certains tranchets, outils de silex avec un biseau volontaire, portent le même lustré des céréales que les petites dents de silex des faucilles de Mésopotamie. Comme nous l'illustrent les sculptures médiévales et les peintures égyptiennes, le cultivateur primitif coupe les épis à leur base, laissant les tiges en place. Cette opération est effectuée par le tranchet tenu d'une main, l'autre main tenant et approchant l'épi. La tige, par son frottement, provoque à la longue le lustré révélateur. Des excavations creusées dans l'œus servent parfois de silos souterrains. Ce grain réservé pour les cuissons futures, pour les ensemencements aussi, illustre un changement fondamental dans la vie de l'homme préhistorique. Le préhistorien Louis-René Nougier qui évoque en 1960 à l'invention de l'agriculture avec beaucoup de poésie et de lyrisme. Marie-Pierre Aurard-Herbin, quand on étudie un village, prenons un village gaulois que vous connaissez si bien, que voit-on des traces de l'agriculture hors de l'outil lui-même? Qu'est-ce qu'il reste? Parce que par définition, les céréales sont appelées à disparaître, tout ce qui est végétal doit disparaître. Et pourtant, il reste des traces. Oui, alors, du point de vue de l'agriculture, on a des conservations de graines carbonisées, puisque à l'époque gauloise, on a des pratiques de séchage des céréales pour les semences, hein, ou pour la consommation, qui font que parfois, elles sont un peu oubliées dans le four, et donc on va avoir des conservations qui permettent une bonne documentation de tout ce qui est céréales. Il y a d'autres végétaux pour lesquels on a beaucoup moins d'informations, mais tout ce qui est céréales, on le connaît bien. Au niveau des traces, moi je travaille plus particulièrement sur les traces sur les ossements, puisque la découpe bouchère, c'est aussi un autre type de documentation qui nous renseigne sur la façon dont on découpe le corps des animaux, et c'est quelque chose qui est éminemment culturel et qui est très intéressant à analyser et à comparer, pour comprendre un petit peu le statut des différentes espèces les unes par rapport aux autres, sachant par exemple que les Gaulois mangeaient le chien ou mangeaient le cheval, et puis de comparer une culture par rapport à l'autre sur les façons d'appréhender le corps, les façons d'abattre les animaux et derrière de les consommer. Et dans cette comparaison de cultures, il y a évidemment cette comparaison entre les deux modes particuliers d'existence au néolithique, c'est-à-dire chasseurs-cueilleurs, et puis ceux qui se sont sédentarisés et qui s'adonnent à l'agriculture. Nous savons que ce sont les sédentaires agriculteurs qui ont remporté la mise, c'est eux qui sont présents et qui s'imposent partout. Quelle est cette relation que peuvent entretenir ces deux types de pratiques? Ils se côtoient? Caroline Hamon. Alors, de la même manière qu'il y a autant de scénarios d'apparition d'agriculture, il y a autant de scénarios de liens entre les populations de chasseurs-cueilleurs et les populations d'agriculteurs sédentaires. Les traces sont parfois très, très ténues. On cherche, par exemple, dans nos restes archéologiques, des vestiges qui pourraient témoigner de contact entre les populations de chasseurs-cueilleurs et les populations agricoles. On n'en trouve pas toujours. On cherche aussi actuellement beaucoup, grâce à l'ADN, en fait, d'éventuelles relations et mélanges entre ces populations. C'est pas toujours évident à mettre en évidence parce que ce qu'on aperçoit dans certaines régions, c'est aussi que les populations de chasseurs-cueilleurs en fait sont parties avant que les premiers agriculteurs arrivent. Alors pourquoi on ne sait pas. Une des possibilités, c'est effectivement, par exemple, la transmission de maladies qui aurait un peu décimé la population, ou alors des populations de chasseurs-cueilleurs qui se seraient réfugiées dans certaines zones, notamment on pense à la montagne ou à des zones côtières, avant que les premières populations agricoles arrivent. Et puis il y a d'autres zones où en fait, ce sont les populations de chasseurs-cueilleurs qui elles-mêmes vont adopter progressivement ou très rapidement, selon les endroits, l'agriculture ou une partie de l'agriculture. On a notamment toute une zone en Europe orientale où en fait les chasseurs-cueilleurs vont adopter par exemple la céramique ou une partie des animaux domestiqués, mais pas le reste par exemple de la culture des céréales ou d'autres, ou la sédentarité. Donc c'est des phénomènes complexes. Mais c'est pour ça qu'ils sont intéressants, c'est parce qu'ils sont complexes. Voilà. Mais justement, dans ce mode de vie entre chasseurs-cueilleurs et sédentaires qui fait de l'agriculture, il y a malgré tout des différences majeures. Je pense aux enfants. On ne peut pas avoir autant d'enfants quand on est chasseur-cueilleur parce qu'il faut sans cesse se déplacer. On ne peut pas avoir autant de poteries quand on est chasseur-cueilleur parce que on va pas tout transporter à chaque fois. Il y a des changements radicaux dans le mode de vie qui s'opèrent à partir du moment où l'agriculture se met en place. Caroline Alors, Hamon. À partir du moment où l'agriculture se met en place, on a commencé à stocker. Et là, c'est le début des c'est le début des ennuis, des problèmes. Voilà. On commence à stocker, donc on commence à accumuler de la richesse. Et donc, c'est là où effectivement, alors soit effectivement, on l'accumule au sein du village, au sein de la communauté, pour le redistribuer au sein de la communauté, on fait des stocks pour l'année suivante. On gère aussi ces aléas en fait climatiques et à la fois les aléas alimentaires. On a un peu plus ce qu'on appelle la sécurité, même si en agriculture, il n'y a pas vraiment de sécurité. On le voit encore aujourd'hui, hein. Mais bon, peut-être que ces populations avaient un peu plus de cet aspect-là. Et c'est le début de l'accumulation. Et donc, avec tout ce que ça va générer de... Ça va générer énormément de conséquences, cette agriculture, avec des spécialisations de travail, l'obligation de fabriquer des choses, la céramique notamment, pour stocker. Margaret Attenberg. Oui, alors, quand on parle de stockage, il faut peut-être se dire que ce n'est pas un hasard. Quand on regarde les premières plantes qui ont été domestiquées, les types de plantes qui ont été domestiquées dans les différents foyers au monde, parce qu'on retrouve sans cesse ou constamment les mêmes types de plantes. Alors, dans les différents foyers, on a céréales associées à légumineuses. Et donc, au Proche-Orient, on a le blé, l'orge, les petits pois, les pois chiches, les lentilles. En Chine, les millets, le riz, le haricot de soja. Et pareil, en Amérique, par exemple, le maïs, qui est une céréale associée aux haricots. Et c'est pas un hasard parce que ce sont des plantes qui sont intéressantes d'un point de vue nutritif, et qui se complètent bien, protéines, glucides, etc. Et qui sont faciles à stocker. Sont stockés sous forme sèche. Donc, on peut les stocker d'une année à l'autre, même pendant plusieurs années. Donc, c'est des plantes qui sont commodes de ce point de vue-là. Et c'est ces types de plantes qui ont été domestiquées en premier mondialement. D'ailleurs, nous sentons cette nécessité de sécurité alimentaire, de besoin de savoir ce que l'on va manger demain, ce qui n'est pas toujours le cas pour les chasseurs-cueilleurs, où il y a malgré tout le doute sur la proie que l'on peut rencontrer ou ne pas rencontrer. Peut-on dire que l'invention de l'agriculture, que la mise en place de l'élevage est une tentative de réponse à cette incertitude du lendemain? Va-t-on manger? Ne va-t-on pas manger? Ah, les sourcils se haussent, Caroline Hamon. C'est peut-être une des réponses. Après, l'autre réponse, c'est peut-être d'avoir un apport plus régulier face à la démographie peut-être grandissante. Donc avoir peut-être un apport plus régulier de nourriture, pouvoir avoir le contrôle, en fait. Alors c'est un vrai faux contrôle, mais c'est peut-être une réponse, effectivement, à un stress très fort, lié à l'environnement, peut-être, lié à une crise sociale, peut-être. C'est peut-être une réponse, en tout cas, à un stress, quelle que soit la nature. D'où une évolution des mentalités, oui, Marie-Pierre Aurard-Herbin. Oui, pour les animaux, toutes les études qui ont été faites montrent que ça serait plutôt pour des produits comme le lait, parce que ce sont des produits qu'on ne peut pas obtenir à partir des animaux sauvages. Autant la viande, la chasse, est quelque chose finalement d'assez facile et qui prend peu de temps proportionnellement à l'élevage, dans le quotidien, mais le lait... Le lait, c'est important. Oui, tout à fait. Et le lait, ça se conserve sous forme de fromage, en tout plus, à fait. Ce qui est très pratique. Mais dans cette évolution lente de l'agriculture, de l'élevage des céréales, de la transformation des céréales, du broyage, du lait, il y a des transformation dans l'esprit des gens, des évolutions de les mentalités et notamment dans les croyances, avec toujours cette recherche de d'où vient l'agriculture. Nous allons trouver un exemple dans une culture autre que celle européenne, la mythologie Cherokee. Oui, où il est une évocation du meurtre de la divinité nourricière comme origine des plantes alimentaires. C'est une lecture qui nous est faite ce matin en direct dans le cours de l'histoire sur France Culture par Tatiana Werner. Une femme céréale, Célu, entretenait deux garçons, son propre fils et un garçon sauvage qu'elle avait recueilli. Or, les garçons découvrirent un jour que leur mère produisait du maïs en se frottant le ventre et des fèves en se frottant les aisselles. Et dans l'idée qu'elle était une sorcière, décidèrent de la tuer. Devinant leur intention, la mère leur enseigna. Quand vous m'aurez tué, nettoyez un terrain de grande étendue devant la maison et traînez-y mon corps. D'abord en rond 7 fois, de façon à tracer un cercle, puis toujours en le traînant, faites-lui couvrir cet espace dans tous les sens, à 7 reprises. Veillez ensuite 1 nuit, et le matin, vous aurez des céréales en abondance. Les enfants exécutèrent ce rite, et les plantes de maïs poussèrent partout où le sang de la mère avait humecté le sol. Les origines de l'agriculture selon la mythologie Cherokee, lue par Tatiana Werner, avec cette figure magnifique d'une femme qui produit du maïs et des fèves en se frottant le ventre, en se frottant les aisselles. Dans la mise en place de l'agriculture, quels sont les changements majeurs par rapport au mode de vie de chasseur-cueilleur? C'est-à-dire, peut-on déjà parler d'une mise en place de société, d'une organisation sociale? Et j'espère que vous allez me répondre, mais ça dépend du lieu, ça dépend d'où, Caroline Hamon. Une organisation sociale, il y en a déjà chez les chasseurs-cueilleurs. Enfin, c'est pas ça la transforme en tout cas. Par contre, ce qui est réel, c'est qu'il y a un changement dans les sociétés néolithiques, par exemple, sont mobiles, mais de manière très différente. On va avoir par exemple une circulation qu'on peut percevoir aussi bien à la fois à travers la paléogénétique ou l'étude des techniques, hein, parce qu'on a des outils très très pointus maintenant pour déterminer des circulations de population et aussi techniques entre des zones géographiques par exemple. Donc on va voir par exemple qu'il y a en fait une très forte interaction entre différentes régions, par exemple des nouveaux arrivants qui vont venir arriver dans une communauté pour un petit peu renouveler cette communauté. Donc à la fois une stabilité dans la communauté, des règles par exemple sociales qui vont se reproduire sur des millénaires et des milliers de kilomètres. Et puis en même temps, toujours une interaction, une mobilité, un échange entre les différentes régions qui va assurer quand même un renouvellement et puis un petit brassage à la fois et des relations aussi d'alliance probablement entre les populations. Marie-Pierre Aurard-Herbin, nous sommes toujours surpris des relations, des déplacements, des échanges très riches qu'entretenaient ces populations. Nous sommes vraiment il y a longtemps, il y a des millénaires et pourtant il y avait déjà beaucoup d'échanges. Échange de produits, échange de savoir. Échange de savoir, échange d'animaux aussi. Et ça, c'est une histoire fascinante parce qu'on a toujours l'impression que les animaux domestiques qui nous entourent, qu'on a dans nos assiettes, finalement, ont toujours été là. Or, non, c'est une arrivée progressive sur le territoire avec des animaux qui ont une grande plasticité puisqu'ils viennent, pour certains, de climats beaucoup plus chauds et ils vont s'adapter à des terroirs, à des altitudes, à des climats différents. Et ils vont, dans certains cas, apporter des sortes de révolutions, je dirais, culturelles, sociales. Je pense au coq qui arrive à la période... Incroyable, ce coq. Le coq qui arrive à la période gauloise, qui est un animal qui est quand même très particulier. Il chante à l'aube, le mâle est flamboyant, ils sont quand même assez, parfois un peu agressifs. Donc, et ils amènent surtout une denrée qui est fondamentale, c'est l'œuf, hein, au quotidien. Et donc qui va changer un apport protéinique par rapport à la cueillette entre guillemets d'oiseaux sauvages qui était saisonnière. Là, on a quelque chose qui va s'installer dans la longue durée et ça marque par exemple dans certaines tombes, on va trouver des offrandes de coq, on va trouver des offrandes d'œufs, où le symbole est clair d'un animal qui change et qui a une importance symbolique forte. Oui, pour toucher aux croyances, c'est très très difficile pour les populations qui ne laissent pas d'écrits, et notamment pour les Gaulois, même s'il y a des écrits gaulois, par l'étude des tombes, nous voyons certains aspects de croyances, et beaucoup d'animaux domestiques se retrouvent dans les tombes, donc on va trouver ce qu'on consommait en fait, ce qui était privilégié, mais peut-être pas tout ce qui était privilégié, parce qu'on gardait peut-être la meilleure partie pour consommer et puis on mettait dans la tombe ce qui était moins intéressant. C'est complexe. En fait, on se rend compte qu'on a des rituels d'abattage d'animaux, de sacrifices autour des funérailles, avec effectivement un dépôt dans la tombe de certains morceaux, mais vraiment pas de l'intégralité de l'animal. Hein, quand on calcule, il y a 20% de l'animal qui a été déposé, avec une mise en scène, mais on donne quand même les bons morceaux aux morts, parce que symboliquement, on ne peut pas lui donner ni les espèces, ni les morceaux les plus détestables, et ça nous permet, nous, d'avoir une hiérarchie des morceaux de viande, par exemple pour le cochon, la tête, le jambon, les côtes, enfin on a une hiérarchie de ce point de vue-là. La tête est très prisée, hein, que ce soit pour le cochon, pour le chien, la tête est très prisée. Oui, tout à fait, ce sont des morceaux pour ces deux espèces qui semblent importants, avec probablement des consommations dans des contextes peut-être un peu aristocratiques. Donc ce sont des bons morceaux, les Gaulois aiment bien les demi-têtes de chiots grillées. Grillées, surtout grillées. C'est particulier. Et ce qui est intéressant pour des animaux comme le chien, c'est que dans les mêmes tombes, on a parfois un animal incinéré avec son maître qu'on interprète comme plutôt un animal de compagnie et un morceau de gigot de chien ou de tête de chien qui est vraiment une offrande alimentaire. Et c'est cette dualité qui nous permet, nous, de comprendre un petit peu la symbolique de l'animal. Et dans les conséquences que peut avoir l'élevage, puisque nous parlons des animaux, il y en a qui ont des échos extrêmement contemporains, c'est l'apparition des maladies pour les êtres humains. Caroline Hamon, la maladie, la transmission de la maladie de l'animal à l'homme s'explique dans un contexte de domestication. Oui, c'est souvent la promiscuité en fait des hommes et des animaux. Alors nous, ce qu'on voit, c'est que par exemple dans les plans de bâtiments qu'on met au jour pour ces périodes-là, dans certains contextes, on s'aperçoit qu'il y a forcément une proximité réelle des animaux, y compris dans une partie de l'habitat qui est dédiée aux animaux très très proches potentiellement des humains, en fait, des personnes. Ça, il y a des études notamment qui sont faites sur les restes de phosphate dans la terre qui permettent de déterminer là où les zones de stabulation, notamment dans certains habitats. Donc évidemment, cette promiscuité, elle va générer potentiellement plus de transmission, peut-être pas, parce qu'en même temps, c'est des populations très résistantes aux maladies, étant donné l'expansion démographique qui est la leur, a priori, à cette période-là. Voilà, mais il y a quand même la transmission de maladies qui est possible, et puis il y a des transformations qui ont un écho jusqu'à aujourd'hui. Et il est vrai que si l'on regarde l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis la mise en place de l'agriculture, il faut attendre très récemment, c'est le 19e siècle en fait, ou le 18e peut-être, que les techniques changent. Quand vous regardez ce que vous étudiez par le passé lointain, Margaret Attenberg, et ce qui se pratique aujourd'hui, il y a des gestes encore qui restent. C'est ça qui est magique avec ce qui s'est mis en place au néolithique. Oui, alors il y a des gestes qui existent encore et on voit, moi je travaille en Asie, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, et il existe encore dans ces régions des pratiques tout à fait traditionnelles, non mécanisées de l'agriculture. Et là, c'est évidemment très très intéressant pour nous d'observer cela, parce que on voit des pratiques, des gestes qui sont disparus dans nos sociétés où l'agriculture a été profondément transformée dès le 18e, 19e siècle. Donc, ce qu'on voit dans l'agriculture industrielle moderne n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait voir, on peut imaginer ou reconstituer pour l'agriculture néolithique ou pour les périodes anciennes. Mais on peut avoir des similitudes dans les pratiques traditionnelles qui existent encore un tout petit peu dans certaines régions. C'est en cela que le dialogue est possible entre l'archéologue et les arts et traditions populaires. Il y a quand même, parfois, Marie-Pierre Aurard-Herbin, des gestes qui restent. Nous parlons de nos Gaulois, nos ancêtres les Gaulois tels que nous les a vendus pendant si longtemps. aujourd'hui, nous savons que ce n'était pas ça, mais quand même, ces Gaulois qui faisaient de l'agriculture ont mis en place des choses, des gestes valables pendant des siècles. Oui, alors il y a un certain nombre de technologies effectivement qui ont perduré, hein, je dirais, pendant deux millénaires. et qui ont vraiment trouvé leur arrêt avec la révolution industrielle, en termes d'élevage et en termes de, d'utilisation des animaux domestiques, ce ne sont pas les Gaulois qui sont des inventeurs. On est vraiment dans une continuité depuis le néolithique d'acquisition au fil des siècles, au fil des approches un petit peu empiriques, je dirais, de la sélection des animaux, et qui donne maintenant un certain nombre de races que nous avons dans certains cas, qui sont vraiment un patrimoine vivant qui nous emmène sur des millénaires. Un patrimoine qui nous emmène sur des millénaires, et puis des pratiques qui font écho aux problèmes contemporains, les problèmes qui visent à protéger l'environnement, parce que c'est une vraie question aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait un rapport à la nature modifié radicalement au moment du néolithique. Carolina Mon, ce rapport à la nature n'est plus le même. C'est-à-dire qu'on s'intéresse moins à ce qui est sauvage pour s'intéresser plus à ce que l'on va domestiquer. Disons que le temps qu'on y consacre est plus important, mais le sauvage ne disparaît pas complètement. Hein. Le sauvage est quand même présent. Alors, par contre, on va concentrer pour ce qui est alimentaire sur effectivement la partie animaux domestiqués et plantes domestiquées. Par contre, la chasse reste une activité valorisée, y compris dans le milieu symbolique et idéal des populations. Donc ça, il faut quand même pas l'oublier. Et va même avoir dans certaines périodes du néolithique une résurgence. Ça va ressortir très très très fortement dans certaines pratiques funéraires. Et y compris, on a une grande symbolique aussi, notamment dans des dépôts. On enterre en fait, par exemple, à la fois des bucranes, par exemple, de bœuf, mais on peut aussi enterrer des éléments liés à des animaux domestiques, une patte d'ours, des choses comme ça. Donc on voit quand même que même si leur importance au niveau alimentaire et au niveau économique n'est pas si importante, elle le reste quand même, cette ambivalence en fait entre domestique et sauvage, entre guillemets, entre agriculture et exploitation de la forêt notamment, reste quand même présente. Alors, donc, nous ne saurons pas quand a été plantée la première graine, et tant mieux. Nous ne saurons pas quand a été domestiqué le premier animal, et tant mieux. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il y a des échanges sans cesse, qu'il y a des foyers un peu partout au même moment de mise en place de l'agriculture et de l'élevage, et que tout cela explique peut-être notre monde d'aujourd'hui, hein, que nos sociétés, et là j'ai trois oui en même temps de la tête. Merci beaucoup à vous trois, Marie-Pierre Aurard-Herbin, Caroline Hamon et Margaretha Tenberg. Il est l'heure dans le cours de l'histoire de retrouver Anaïs Kien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes. Et tous aussi, oui c'est vrai. Votre plateau est très féminin ce matin. Ce matin dans le journal de l'Histoire, nous nous interrogeons sur la portée d'un événement dans l'Histoire à travers un documentaire intitulé « Un bref moment d'optimisme », un documentaire d'Amos Gitaille en replay sur France 5. Que reste-t-il des accords d'Oslo? A-t-on gagné quelque chose dans le processus de paix engagé par Yasser Arafat et Yitzhak Rabin au milieu des années 90? C'est la question que se pose le cinéaste Amos Gitaille dans une version courte de son film « À l'ouest du Jourdain » sorti en 2017 et diffusé dans le magazine de reportage de France Télévisions. Le 4 novembre 1995, sur la place des Rois à Tel Aviv, le premier ministre israélien, très ému, est acclamé par une foule venue célébrer les avancées inédites des accords d'Oslo signés quelques jours plus tôt. Amos Gitaille suit avec ferveur les étapes de ces négociations organisées par l'administration du président américain Bill Clinton un an plus tôt, sous la forme d'un journal en images, se glissant dans les forêts de perches de micros et entre les bras de journalistes du monde entier qui brandissaient leurs dictaphones pour rendre compte de ces négociations qu'on savait déjà historiques. Deux hommes se serraient la main pour la première fois, et pas seulement pour l'inévitable photo. Une une parenthèse enchantée vite refermée avec l'assassinat de Yitzhak Rabin, sans successeur politique, par un étudiant juif religieux d'extrême droite à l'issue de cette manifestation de soutien du 5 novembre qui, paradoxalement, met un terme à ce bref moment d'optimisme. Car si l'enthousiasme était de rigueur en 95, des bus explosaient tous les jours à Tel Aviv et attisaient l'extrémisme juif. Si une réconciliation semblait alors possible, l'hostilité persistait du côté palestinien comme du côté israélien. Du côté des incrédules, Rabin était considéré comme un traître et Arafat comme un menteur ayant proscrit la lutte armée. הסרט הזה הוא בנוי מסדרה של קפסולות, והוא יעבור בצורה אסוציאטיבית, באמת, ממצבים של מצבים מיניאטוריים, למצבים של פוליטיקה גבוהה. Amos Gitai part en quête des fruits disparus de ses accords d'Oslo 20 ans plus tard, à la rencontre des Israéliens qui rejettent le terme d'occupation en Cisjordanie, d'un adolescent qui n'envisage un avenir glorieux qu'en devenant martyr. Le constat est cruel, mais le cinéaste ne s'arrête pas là. Il rencontre aussi l'entre-deux des associations civiles et des ONG qui accueillent les initiatives israélo-palestiniennes, de mères endeuillées des deux parties qui ont décidé de s'unir pour trouver une solution commune, de colons qui veulent vivre avec leurs voisins arabes. C'est à cette échelle qu'il trouve l'empreinte de ce moment où l'on y croit encore, une croyance qui a déserté la politique institutionnelle, mais qui persiste malgré tout. Un bref moment d'optimisme où l'histoire d'une enquête citoyenne sur la trace d'un événement du passé qui aurait pu inventer un présent. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'Histoire et tous les liens à lire et à écouter et à voir sur le site franceculture.fr. Cette semaine, nous réfléchissons à la nécessité de nourrir le peuple. Oui, il faut nourrir le peuple. Et aujourd'hui, nous parlons du néolithique. Il y a une réflexion que nous voyons apparaître régulièrement dans les articles en disant que cette période de l'invention de l'agriculture est en fait le début de la fin, que ça ne va pas. Vous en pensez quoi les unes les autres, Margaret Attenberg? Oui, on a une... la perception que nous avons du passé en général et aussi de la période néolithique est très... coloré par la politique actuelle et par la relation que nous avons actuellement à l'environnement, d'où une perception parfois extrêmement pessimiste, extrêmement négative de le début de l'agriculture comme quelque chose de absolument catastrophique qui a mené à la situation actuelle. Je pense qu'il faut nuancer. Il existe aussi d'autres voies et d'autres agro-systèmes. Et je pense qu'on peut tout à fait s'inspirer du passé. Je ne veux pas dire par là qu'il faut retourner au passé. Ça ne serait pas possible parce qu'on n'est pas, on n'est pas du tout dans la même situation démographique, etc. Mais on peut s'inspirer de certains principes en les associant avec toutes les connaissances, la science, la recherche actuelle. Et ces principes sont, par exemple, l'utilisation de tout, le manque, comment dire, l'absence de gaspillage, le recyclage de tous les produits agricoles et des sous-produits agricoles, et aussi l'association dans des systèmes de polyculture, de polyélevage, d'animaux et de plantes qui fonctionnent ensemble dans le système intégré. Bah, merci beaucoup, Margaret Attenberg, de faire ce rappel en disant que oui, nous avons à apprendre malgré tout du passé, sans vouloir absolument revenir au passé. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscan Viudès, Camille André, Aurore Juvenel, et dont la programmation est réalisée par Amélie Perrault. Des émissions à réécouter, bien sûr, en podcast ou sur le site internet. Et demain, nous allons parler du pain.